Depuis les événements que l'on va raconter, rien, en effet, n'a changé à Yonville. Le drapeau tricolore de fer blanc tourne toujours au haut du clocher de l'église. La boutique du marchand de nouveautés agite encore au vent ses deux banderoles d'indiennes. Les fétus du pharmacien, comme des paquets d'amadou blanc, se pourrissent de plus en plus dans leur alcool bourbeux. Et, au-dessus de la grande porte de l'auberge, le vieux lion d'or, déteint par les pluies, montre toujours aux passants sa frisure de caniche. Le soir que les époux Bovary devaient arriver à Yonville, Madame Veuve Lefrançois, la maîtresse de cette auberge, était si fort affairée qu'elle suait à grosses gouttes en remuant ses casseroles. C'était le lendemain, jour de marché dans le bourg. Il fallait d'avance tailler les viandes, vider les poulets, faire de la soupe et du café. Elle avait, de plus, le repas de ses pensionnaires, celui du médecin, de sa femme et de leur bonne. Le billard retentissait d'éclats de rire. Trois meuniers, dans la petite salle, appelaient pour qu'on leur apportât de l'eau de vie. Le bois flambait, la braise craquait, et, sur la longue table de la cuisine, parmi les quartiers de mouton cru, s'élevaient des piles d'assiettes qui tremblaient sous secousse du billot où l'on hachait des épinards. On entendait, dans la basse-cour, crier des volailles que la servante poursuivait pour leur couper le cou. Un homme, en pantoufles de peau verte, quelque peu marqué de petites véroles et coiffé d'un bonnet de velours à gland d'or, se chauffait le dos contre la cheminée. Sa figure n'exprimait rien que la satisfaction de soi-même, et il avait l'air aussi calme dans la vie que le chardonneret suspendu au-dessus de sa tête dans une cage d'acier. C'était le pharmacien. « Artémise !» criait la maîtresse d'auberge. « Casse de la bourrée, emplis les carafes, apporte de l'eau de vie, dépêche-toi » !»« Au moins, si je savais quel dessert offrir à la société que vous attendez !»« Bonté divine, les commis de déménagement recommencent leur tintamarre dans le billard, et leur charrette qui restait sous la grande porte. La diligence, qui arrive, l'hirondelle, est capable de la défoncer en arrivant. Appelle Polyte pour qu'il la remise. » Dire que depuis le matin, monsieur Homais, ils ont peut-être fait 15 parties et bu 8 pots de cidre. Mais ils vont me déchirer le tapis, continuait-elle en les regardant de loin, son écumoir à la main. Le mal ne serait pas grand, répondit monsieur Homais. Vous en achèteriez un autre. Un autre billard ? Exclama la veuve. Puisque celui-là ne tient plus, madame Lefrançois, je vous le répète, vous faites tort, vous faites grand tort. Et puis, les amateurs à présent veulent des poches étroites et des queues lourdes. On ne joue plus la bille, tout est changé. Il faut marcher avec son siècle. Changer mon billard, continua-t-elle, en se parlant à elle-même, lui qui m'est si commode pour ranger ma lessive, et sur lequel, dans le temps de la chasse, j'ai mis coucher jusqu'à 6 voyageurs. Mais ce lambin d'hiver qui n'arrive pas. L'attendez-vous pour le dîner de vos messieurs ? Demanda le pharmacien. L'attendre ? Et monsieur Binet, donc ? À 6 heures battant, vous allez le voir entrer, car son pareil n'existe pas sur la terre, pour l'exactitude. Il lui faut toujours sa place dans la petite salle. On le tuerait plutôt que de le faire dîner ailleurs. Eh, dégoûté qu'il est, et si difficile pour le cidre !»